J'étais en train de changer de cordon. Alors attends, je vais voir. C'est que moi, mon ordinateur, des fois, ah si, fais voir. Mesdames et messieurs, Esther Nori. Il rame mon ordinateur. Ouais, c'est elle. Ah, il y a bien un petit côté des nourris. Hein. Blues Monk Festival Swing. Voilà, putain, elle en a fait des festivals. Je peux dire qu'elle en a fait des kilomètres. Ah merde, j'ai perdu ton. Bon, attends, je ferme. Ouais, c'est elle. C'est qui ça? Werner Atmüller, ça doit être ses musiciens. Elle a toujours des bons musiciens, tu. Enfin, si tu écouteras, tu verras. Si t'as le temps. Quand on était gamin, elle chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle en a fait son métier. C'est pas facile. Je sais pas, mais c'est pas tout le monde qui gagne beaucoup d'argent en musique, en fait. Faut pas croire. Hein. Surtout dans ce milieu, enfin, je sais pas. Ils sont tellement de nanas et de mecs à chanter. Je peux dire qu'elle en chie des fois. C'est pas toujours rose la vie, hein, comme disait l'autre là. Bon, si on faisait du jazz manouche. Il t'a demandé. Il y a Pané qui t'a demandé si tu voulais faire du jazz manouche. Et je sais pas si tu lui as répondu. Fais-lui plaisir, fais un peu de jazz manouche. Le jazz manouche, c'est Punchak, Punchak, c'est ça le truc. Il y a deux musiciens ternois qui sont bien connus en jazz manouche, ils font que ça.